Mais enfant de Rio, mon beau jaguar sorti pour moi des forêts vierges du Brésil, dit-elle en lui prenant la main et la baisant et le caressant. Respecte donc un peu la créature de qui tu veux faire ta femme. Serais-je ta femme, Henri ? Oui, dit le Brésilien, vaincu par le bavardage effréné de la passion. Et il se mit à genoux. Voyons, Henri, dit Valérie en lui prenant les deux mains et le regardant au fond des yeux avec fixité. Tu me jures, ici, en présence de Lisbeth, ma meilleure et ma seule amie, ma sœur, de me prendre pour femme au bout de mon année de veuvage. Je te jure. Ce n'est pas assez. Jure par les cendres et le salut éternel de ta mère. Jure-le par la Vierge Marie et par tes espérances de catholique. Valérie savait que le Brésilien tiendrait ce serment quand même elle serait tombée au fond du plus sale bourbier social. Le Brésilien et ce serment solennel, le nez presque touchant à la blanche poitrine de Valérie, et les yeux fascinés, il était ivre comme on est ivre en revoyant une femme aimée après une traversée de 120 jours. Eh bien, maintenant, sois tranquille. Respecte bien dans Madame Marneffe la future baronne de Monterranos. Ne dépense pas un liard pour moi, je te le défends. Reste ici, dans la première pièce, couché sur le petit canapé. Je viendrai moi-même t'avertir quand tu pourras quitter ton poste. Demain matin, nous déjeunerons ensemble, et tu t'en iras sur les 1 heure, comme si tu étais venu me faire une visite à midi. Ne crains rien, les portiers m'appartiennent, comme s'ils étaient mon père et ma mère. Je vais descendre chez moi servir le thé. » Elle fit signe à Lisbeth qui l'accompagna jusque sur le palier. Là, Valérie dit à l'oreille de la vieille fille. « Ce Moricaud est venu un an trop tôt, car je meurs si je ne te venge d'Hortense. » « Sois tranquille, mon cher gentil petit démon, » dit la vieille fille en l'embrassant au front. « L'amour et la vengeance, chassant de compagnie, n'auront jamais le dessous. Hortense m'attend demain. Elle est dans la misère. Pour avoir 1000 francs, Venceslas t'embrassera 1000 fois.